Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Iyunctis. Pour ceux qui nous suivaient sur Manager Online, le principe des podcasts n'a pas beaucoup changé, mais l'organisation et la diffusion devraient évoluer. On prépare notamment quelques rendez-vous plus réguliers. Pour débuter ces podcasts, on va parler de tennis car on est en pleine conclusion de Roland-Garros et je laisse Matt présenter les invités et s'occuper de l'animation. Bonne émission à tous! Merci Steve. Donc voilà, c'est le podcast numéro 1 de Youngtis consacré au tennis. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai Stonic 212. Oui, bonjour, c'est moi. J'ai Rokensen. Yep, yep. Et Max. Salut. Et Mons devrait nous rejoindre un peu plus tard. Donc alors, nous, comme le podcast est enregistré samedi 6 juin, donc juste avant la finale messieurs de ce Roland Garros, donc on va très largement revenir sur ce Roland Garros. Et donc on va commencer par le Roland Garros messieurs, le tableau messieurs. Avec d'abord peut-être, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les, enfin un petit mot, un grand mot même, sur les Français. On va peut-être parler après de Tsonga qui a été jusqu'en demi-finale, mais d'abord les autres Français, qu'est-ce que vous en avez pensé, vos coups de cœur, vos coups de gueule? Qui veut se lancer? Ils ont fait un bon tournoi, je parle surtout des quatre mousquetaires, hein, ceux qu'on appelle les quatre mousquetaires. Après, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, hein. Simon, Gasquet contre Djokovic, il pouvait rien faire de plus, hein. De toute façon, c'était, voilà. Simon contre Wawrinka, Wawrinka est en finale, donc bon, c'est pas vraiment une surprise. Là où je suis un peu plus déçu, c'est par mon fils, par contre. Parce que contre Federer, il y avait clairement la place, quoi. Le premier jour, il revient à 7 partout, et quand il revient le lendemain, il n'en fout pas une, quoi. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Et qui sont les quatre mousquetaires, en fait? Parce que moi, je suis pas français à la base, je suis belge, donc, Gilles Simon. Gaël Monfils, Richard Gasquet et Joey Fritzonga. Parce qu'il y a quand même aussi Chardy qui avait pas mal, hein. Il a quand même été jusqu'en huitième de finale, hein. Il y a eu cinq Français en huitième de finale, hein. Et ouais. Il a quand même éliminé des types comme Isner et Goffin qui sont tous les deux dans les top 20, hein. Donc c'est vraiment pas mal aussi pour lui. Je pense qu'il est, sa prestation est à souligner aussi. Et il a pris un set à Andy Murray aussi. Ouais, aussi. Et quand on voit comment il a joué Andy Murray contre Djokovic en deux finales, on peut se dire que c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que moi, sans revenir sur les Big Four, j'allais dire, sur les quatre mousquetaires, c'est vrai que les bonnes surprises pour moi, c'est quand même Chardy qui avait pas fait grand chose cette année, et Benoît Paire, qui revient et qui a fait un bon tournoi, qui a pris un set, à Thomas Berdych. Donc pour moi, Benoît Paire, c'est vraiment une bonne surprise. Après, tu disais, Gaël Monfils, c'est vrai que je crois beaucoup en lui à chaque fois, et cette année, il avait le tableau, c'était l'année ou jamais. Et vraiment, il m'exaspère un peu, parce que quand tu vois son interview d'après-match, qu'est-ce qui vous sépare des meilleurs, qui te dit en gros que les meilleurs, à la fin de leurs entraînements, mettent des manteaux et pas lui? Ça fait peur, quoi. Ce qui est cool avec mon fils, c'est qu'il assure le spectacle. Avec tous les matchs de mon fils, ça a vraiment été des bons matchs qu'on a eu le plaisir de regarder. Et pour contre Federer, oui, bon, bah, c'est dommage, mais c'est quand même Federer en face, quoi. Ouais, mais il l'avait battu les deux dernières fois sur terre battue. Ouais. Donc il y avait la place, quoi. Oui, c'est certain. Mais ce qui est chouette, c'est qu'avec mon fils, on a eu des beaux matchs. Vraiment, c'était un plaisir de le regarder à Roland Garros, et c'est vrai qu'on aurait voulu qu'il aille plus loin. Ouais, mais comme avait dit Santoro, le problème de gagner mon fils, c'est que s'il a le choix entre faire plaisir au public et gagner le match, il va faire le choix de faire plaisir au public. Sauf que maintenant, il a déjà 30 ans, et il avait tout gagné en junior, et au final, sa carrière aujourd'hui, elle se résume à. Ouais, finalement, il a pas gagné grand chose, hein, je pense. Non, il a rien gagné de mal. Bah voilà. Et par contre, pour en revenir sur Chardy, c'est que moi personnellement, je le connaissais pas avant Roland Garros, vraiment pas du tout. Et moi, j'avais beaucoup d'espoir pour Goffin, bien sûr, étant donné que je suis belge. Et quand j'ai vu la prestation de Chardy, je me suis dit, ah ouais, quand même, pas mal. En tout cas, c'est sûr qu'il va faire un bon grand bond dans le classement avec ça, je pense, hein. Avant Roland Garros, il était 45e. Je pense quand même avec sa performance, il va faire un bon classement. Ouais, il va peut-être pas être dans les top 30, mais ça va être pas mal en tout cas. En effet. Il va gagner 8 places et actuellement, il est 37e, voilà. Bah voilà. Pour répondre aux questions. Et donc, puisqu'on a un Belge, on en profite. Goffin, il y avait beaucoup d'espoir et vous avez été déçu ou pas? Goffin, c'est vraiment notre Justine Hénin féminin, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, chez les hommes, en tout cas. Maintenant, oui, on pensait, en fait, qu'il allait aller plus loin. Et finalement, non. Mais quand on est classé quand même 17e tête de série, c'est que il y a de l'espoir derrière ça. Hein. Maintenant, Jardy a quand même éliminé le 16e, donc oui. Maintenant, Goffin, faut se méfier parce qu'il avait fait une grosse saison à partir du mois de juillet l'année dernière. et donc il va avoir beaucoup de points à défendre. Mais c'est, il est dans la saison où il doit confirmer maintenant c'est un espoir et il doit confirmer en fait, c'est ça. Et ça c'est difficile hein. Je sais pas si vous vous rappelez d'un Steve Darcy, on en parlait beaucoup quand il était jeune et qu'il venait faire son apparition, mais il a jamais confirmé et maintenant ben je suis désolé de le dire mais c'est pas ça. Oui, il a un peu disparu dans les profondeurs. Il a même plus que fait que ça, et parce que il justifie souvent ses prestations par de nombreuses blessures, etc. D'accord, mais alors, ce qui m'a énervé dans son chef, c'est que avant même son match, il disait déjà, oui, j'ai pas beaucoup d'espoir contre, c'était contre qui encore, Bolenny ou un truc comme ça. Polilic a fait un gros tournoi quand même. Donc... Oui, voilà. Mais donc, oui, j'ai pas beaucoup d'espoir, etc. Mais je suis désolé, mais si on part quand même comme ça sur le terrain. Il y a très peu de chances qu'on gagne, quoi. Surtout dans un tournoi comme Roland Garros. C'est sûr. Et toi, GG, alors ton avis, Raconsen, pardon. Je commence à pas me tromper avec ça. Pour moi, Chardy, honnêtement, il a fait un meilleur tournoi que mon fils, hein. Pour moi, personnellement. Oui, par rapport au fond de jeu, par rapport au fond de jeu et par rapport à ce qui donne son impression. Pour moi, il a fait un meilleur Roland Garros que mon fils. Après, on a dit qu'on parlait de son gars après, mais pour moi, son gars, il a fait, je pense, l'exploit de l'année niveau français. L'exploit de l'année, je sais pas, mais c'est vrai qu'on l'attendait pas là du tout. Il a fait un très bon tournoi. Voilà, en demi-finale, il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus. Après la demi-finale, maintenant, je vois pas exactement. Je trouve qu'il est bon, il a été moins bon dans les moments importants, tout simplement. Mais il a pas été ridicule non plus dans cette demi-finale. Mais cette année, j'ai vu ses premiers tours et tout, et je l'ai trouvé beaucoup plus affûté que les autres Roland Garros des autres années. Quoi. Il était beaucoup plus affûté physiquement et mentalement. Bon, après, pour quand même mettre un petit bémol, je pense que tu peux difficilement faire plus facile comme premier et deuxième tour. Parce qu'il affronte Lindl, que pas grand monde connaît. Au deuxième tour, il affronte Dulicella, qui avait pas un seul match sur terre battue cette année. Il a quand même eu une entrée en matière pour le mettre en confiance. Tout à fait. Mais bon, après, quand tu vois les trois qu'il élimine ensuite, c'est pas mal quand même. Andorra, Berdych et Nishikori, faut quand même Oui, mais toutefois, j'aimerais quand même préciser que Nishikori n'était vraiment pas du tout dans son match. Hein. Alors, Nishikori n'était pas du tout dans son match. Je sais pas où est-ce qu'il était passé, mais... Sur les deux premières manches. Oui, en tout cas, oui, c'était vraiment... je sais pas du tout où est-ce qu'il était passé, mais il était pas du tout dans son match. Et Tsonga a pu peut-être conclure un peu plus facilement face aux Japonais, mais bon, on n'est pas cinquième mondial pour rien non plus. Parce qu'après, j'ai trouvé que dans la troisième et quatrième manche, il était quand même bien là, Nishikori. Oui, oui, il s'est réveillé. Aussi, et malgré tout, Tsonga a quand même réussi à remporter la cinquième. Oui, c'était une belle performance de Tsonga quand même, hein, mais il a eu facile pour les deux premiers sets, je veux dire. Mais Tsonga, globalement, il avait un très bon niveau de jeu cette année. Ouais, c'est clair, mais moi, j'étais sur à Roland-Garros le jour du match contre Andorra, et c'est le troisième tour, donc. Et c'est vrai que il avait quand même, malgré tout, Andorra, c'est un très bon terrain et c'est assez piégeux. Et j'ai trouvé qu'il avait bien géré, il avait été solide dans les moments importants, il n'avait jamais laissé d'espoir à l'Espagnol en fait. C'est pour ça que malgré tout d'habitude il a tendance, quand il mène un 7 ou 2 à 0 contre les joueurs bien moins bons, à se relâcher un peu, à faire des erreurs. Là il avait été concentré de bout en bout. Surtout que Andorra a éliminé quand même Cole Schreiber en deuxième mondial, c'est un gros morceau aussi quand même pour l'Espagnol. Ah ouais, c'est sûr, donc voilà, franchement Tsonga ça reste plein d'espoir. Alors après bien sûr que c'est 5e demi-finale de suite de perdu. Donc c'est un peu problématique. Mais je pense qu'on attend encore qu'il confirme, hein. Non ? Je me trompe peut-être. Ah, il a bientôt 30 ans, donc après... Ouais, c'est un problème. Il a 30 ans, il a eu 30 ans. Il a plus de 30 ans, donc maintenant la confirmation, dans 3-4 ans, elle sera déjà derrière lui, quoi. Ça reste compliqué pour lui. Non, tous les Français... Oui, vas-y, t'allais dire. Bon, finalement, sur les Français qui sont au tournoi, c'est beaucoup de personnes âgées vers 30 ans, en fait. Hein. Ils sont pas tout jeunes, finalement. Ouais, c'est pour ça qu'au début, on parlait de la génération des quatre mousquetaires. C'est une génération dorée. Parce que Chardy a gagné des grands chelems juniors. Mon fils a gagné les quatre. Son gars, je crois pas qu'il en a gagné, mais bon, il a fait finale à l'Open d'Australie, donc il a été hanté, voilà. Après, Gasquet, il avait tout gagné en junior aussi. Simon, il était très très fort. C'est pour ça qu'on parlait d'une génération dorée. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur les autres Français ou sur ceux dont on vient déjà de parler? Personnellement, j'attendais pas Laurie Mathieu, quoi. Je préfère me murer dans le silence. Je ne sais même pas c'est qui. Alors là, c'est encore pire de ne pas connaître, c'est mon chouchou. Ah bah désolé. Il avait tapé Isner il y a quelques années à Roland-Garros. Et donc oui, tu disais Richard Gasquet. Richard Gasquet aussi a fait un beau parcours en éliminant quand même des noms comme Berloc et Anderson. Anderson, on attendait un peu plus de lui. Et pourtant, finalement, c'est Gasquet qui s'est imposé. Je trouve que c'est quand même une belle performance. Le problème de Richard, c'est que il y a plus d'espoir en fait contre les gros, quoi. On sait qu'il va se faire atomiser contre les très gros. Et... Oui, mais il s'est fait éliminer par Djokovic, et ça, tout le monde le savait. Enfin, je pense que on faisait pas beaucoup de digestion. Oui, mais il a éliminé, quoi. Là, il a pris une volée contre Djokovic. Oui, mais il a quand même fait un beau match contre Anderson, je trouvais. Oui, c'est vrai. C'est une belle prestation, je veux dire. Mais il y a un tel fossé entre lui et les tout meilleurs, en fait. Ça. Mon fils, on peut espérer un exploit de lui. Même Chardy, on pouvait espérer un exploit contre Murray. Richard, on n'attendait rien du tout. À partir du moment où il y a déjà un fossé entre Djokovic et le deuxième mondial qui est Federer, c'est en nombre de points, je parle, c'est ça montre déjà beaucoup de choses, hein. Oui, c'est vrai. Mais donc, je pense que par exemple, un Gaël Monfils en folie aurait pu accrocher un set à Djokovic, ou je ne sais pas. Richard, on savait qu'il allait prendre trois petits sets. Merci, au revoir, en fait. Enfin, je parle pour moi, peut-être que Max et je pense pas la même chose. Non, mais de toute façon, Gasquet, ouais, c'est. Contre les 10 meilleurs, quoi. De toute façon, il n'y arrive pas, quoi. Et j'ai envie de dire, même contre un Tonga ou un Simon, c'est même pas sûr qu'il gagne, quoi. Bon, si c'est un petit tournoi mineur, qu'il est en grande forme, il peut le faire. Mais après, dans les grands tournois, en 5-7, il a vraiment du mal, quoi. Après, pour dire un dernier mot sur les Français, j'ai vu une stat hier, comme quoi, Gaël Monfils, je crois que c'est 22 finales de disputées, 17 défaites. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On disait qu'il avait pas de palmarès. Il a 17 défaites en finale de tournoi. Aussi, il y a quand même un problème. Hein. On sait très bien que le garçon, il fait ça pour, clairement pour gagner sa vie, pas pour gagner des titres. Quoi, c'est clair. Quand tu vois les déclarations qu'il avait fait il y a quelques années, en disant mon métier, c'est joueur de tennis, c'est ma passion, c'est joueur de PlayStation, ça en dit long sur le garçon quand même, quoi. Ouais, mais en même temps, quand il est à Paris, par exemple, il semble super motivé. Quand il est en Coupe Davis, il est quasiment imbattable. Donc, je pense qu'il aime ça quand même. Ouais, je sais pas, c'est un peu... J'aime beaucoup hein, ce mec, mais je sais pas, j'ai du mal. Moi, c'est un peu... Ouais, je pense que il a un problème mental qui ne franchira jamais. Quoi. Il est assez bizarre, parce que pour moi, il a, comme tu dis, il y a clairement un problème mental. Et en même temps, c'est sûrement celui qui a le mental le plus fort. Parce qu'encore une fois, alors on va me dire, oui, Federer, il était blessé, patati patata, en finale de la Coupe Davis. Le samedi, il viole tout le monde en double. Le dimanche, il viole Gasquet. Et pourtant, le vendredi, mon fils l'a atomisé. Donc, il fallait quand même répondre mentalement. Il avait bien répondu. C'est pour ça que je me dis, je sais pas. Franchement, comme vous dites, c'est un vrai mystère, ce joueur. Et j'ai peur que malheureusement, il passe à côté de sa carrière. À la fin, il n'en restera pas grand-chose, en tout cas. Ouais. Mais peut-être qu'il y a aussi... l'entraîneur qui doit justement intervenir dans le sens où voilà vous dites qu'il a peut-être pas le mental etc. Peut-être que Yann De Witt qui est son entraîneur depuis pas très longtemps il a peut-être donné un meilleur mental à Gaël Monfils, je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais voilà, il y a peut-être le coach qui est derrière qui n'était pas le bon coach qu'il fallait pour Monfils, et peut-être que maintenant avec ce Yann De Witt ça va aller mieux, j'en sais rien. Bah déjà en fait pour le coup ce qui montre bien la personnalité du monsieur, c'est qu'avant de prendre De Witt, Gaël n'a pas eu d'entraîneur pendant 2 ou 3 ans, je crois. Ah bah voilà. Déjà, maintenant, ça a peut-être changé. Oui, et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais Gaël n'avait pas d'entraîneur, donc. À l'US Open, Gilles Simon, qui est entraîné par Yann De Witt, lui a proposé de faire la préparation avec eux et d'avoir De Witt comme entraîneur officieux. Ça s'est bien passé, puisque Gaël était en quart de finale et il a 2 balles de match contre Federer avant de perdre. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de continuer sur la durée, et voilà. Mais malgré tout, Gaël, il émet des critiques. Parce qu'avant Roland-Garros, il disait « Je suis pas sûr que ce que je fasse, ça soit la bonne préparation. On fera un point après Roland-Garros, mais je me sens pas plus fort que les années précédentes, patati patata. » Donc on verra bien. Ouais, mais... Faut qu'il appelle Amélie Mauricio. Parce qu'elle a fait du bon boulot avec Murray, donc pourquoi pas avec Simon. Hein. Qui ça Amélie Mauricio. Mauricio, oui. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Après, Murray, il est sérieux, contrairement à Gaël, quoi. Ouais, mais enfin... Murray mentalement par exemple, on parlait du mental de mon fils, mentalement Murray il avait quand même un gros problème avant, quoi. À part à Wimbledon où il avait gagné, sinon il avait vraiment du mal contre les gros, c'était à chaque fois qu'il se tapait soit Nadal soit Djokovic soit Federer, c'était sûr qu'il allait en prendre une, quoi. Généralement il prenait 3 sets et c'était terminé, et là c'est depuis qu'il a Mauresmo, c'est impressionnant, hein. Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on a cru avec Djokovic, hein, c'est qu'il allait perdre en 3 sets et on sait pas comment, mais il est revenu d'une très belle manière, et c'était vraiment agréable à suivre. Et je pense que Mauresmo a fait un travail mental plus que tennistique, finalement, sur Murray, quoi. Moi, ce qui me fait mettre un petit bémol sur le soi-disant trouble mental de Murray, c'est qu'on bassine tout le temps les Français avec personne n'a gagné depuis Yannick Noah, patati patata. À Wimbledon, je sais pas, mais ça faisait bien plus longtemps qu'un Anglais n'avait pas gagné. La pression était bien plus importante. Et malgré ça, il a gagné les Jeux Olympiques. Et derrière, il a réussi, non, il a pas gagné les Jeux Olympiques, ou il les a gagnés, je sais plus. Et derrière, il a réussi à gagner, à Wimbledon. Donc c'est quand même, faut quand même avoir un sacré mental pour aller gagner un grand chelem chez toi. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais... Oui, c'est certain. Et en plus, il y a la pression. Mais en même temps, il y a aussi le fait que un de son gars va être poussé par son public pour aller jusqu'au bout, quoi. En Angleterre aussi, je pense. Il a été poussé. Oui, c'est certain. Mais ouais, je sais pas. Après, enfin, je crois que le public de Roland Garros en demi-finale, il était pas non plus. Ah, il était. Enfin, c'était. Ah, le public, sans déconner, c'est. Non, franchement, c'était. Alors, j'entendais un consultant l'autre jour. Je crois que c'est Benoît Mélin, pour ceux qui connaissent. Disait que c'était pas possible, quoi. T'avais les loges, en fait les loges elles sont juste devant le court, quoi, et en fait les mecs ils en ont rien à foutre, quoi. Ils sont là, ils en ont rien à foutre, donc ils mettent pas d'ambiance, contrairement dans tous les autres tournois, même dans les autres sports, j'ai les loges en haut, quoi, et les vrais supporters sont près du terrain, quoi. Et moi ça me fait toujours rire, enfin c'est pas drôle, mais quand je vais à Roland Garros, parce que nous les fauteuils on est placés vraiment au bord du terrain, quasiment mieux que les loges. Et à chaque fois, je dis tout le temps, on s'est facile à reconnaître. T'as les pauvres en haut, les très riches en bas. En bas, il y a personne, et en haut, c'est plein à craquer, quoi. En haut, t'as les gens qui ont payé leur place, qui se disent quand même, on va être à l'heure, on va être là, on va pas rater le match, quoi. Et en bas, c'est vide, il y a pas grand monde, ça se remplit doucement. Ça doit être un système qu'il faudrait peut-être changer, alors du coup, parce que ça va pas, je trouve. Ouais, non, surtout qu'on s'en rend compte en plus, c'est que il y a beaucoup plus d'ambiance sur les premiers tours où les places sont moins chères, et donc c'est des gens qui viennent plus pour l'ambiance, que sur les derniers tours où les places sont plus chères et il y a quand même beaucoup moins d'ambiance à Roland Garros, quoi. C'est surtout quand il n'y a pas de Français, quand c'est un match où il n'y a pas de Français, ça c'est certain. Bon, après on disait hier, oui, l'ambiance n'était pas là, et malgré tout le court il était plein pour son gars. Faut penser, je sais pas, je me suis dit ça au petit aussi, il y a peut-être un nombre de spectateurs étrangers important, quoi. Ils viennent peut-être pas forcément voir Tsonga, et peut-être qu'ils sont plus intéressés par l'idée de voir un Djokovic Murray qu'un Tsonga Wawrinka, quoi. C'est pas parce qu'on est en France qu'il y a que les supporters français, quoi. Ou alors il faisait peut-être trop chaud. Ouais, aussi. c'est Arnaud Clément qui a dit ça. Il faisait plus chaud pour les spectateurs que pour les joueurs. C'est pour ça qu'ils étaient émous. Ça devait être une vraie fournaise à l'intérieur du terrain. J'ai aussi entendu un truc, apparemment, les loges étaient pleines au début, enfin, pleines. Parce qu'on dirait, il y avait des gens dans les loges au début, mais en fait, c'était des salariés de France Télévisions qui étaient venus pour éviter vraiment que ce soit trop vite, quoi. Donc, c'est hallucinant, quoi. J'avais entendu sur Eurosport avant, la veille au soir, qu'ils avaient avancé l'heure des restaurants pour que ça soit fini plus tôt pour que Tsonga, pour que les gens aient fini de manger au moment du début du match. Donc, ils ont vraiment tout fait pour que ce soit plein, quoi. Ouais, mais sans être raté. Mais ce qui me fait dire que c'est pas forcément des Français, c'est que tout à l'heure, à 13h, donc 2 heures avant l'heure initiale pour la finale dames, il y avait Djokovic Murray qui a repris, et c'était quand même déjà bien rempli. Or, pas à 100%, mais c'était bien rempli. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'étrangers, son gars, les intéresse pas plus que ça, quoi. Il faut dire aussi que l'affiche était alléchante, hein, Murray, Djokovic. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ça intéresse peut-être plus de monde, bizarrement, nous. Puis surtout, vu que le match avait commencé hier, les gens on a vu quand même un début de match assez énorme entre les deux, et donc effectivement je pense que les gens ont vu ça, ils se sont dit on va y aller vraiment pour voir ça, quoi, parce que déjà hier c'était impressionnant, donc je pense qu'ils voulaient voir encore Djokovic Murray, quoi, parce que ça s'annonçait effectivement excellent pour aujourd'hui, quoi. Mais ça c'était pas possible, hein, parce que les gens qui ont payé pour le match, pour les places pour le match de Djokovic Murray, donc hier normalement, n'ont pas pu vraiment assister à la suite d'aujourd'hui, hein, parce qu'ils ont, c'était seulement les gens qui avaient payé pour la finale dames qui pouvaient assister. Voilà, c'est ça, Ça, c'est peut-être aussi un système. Que hier, d'ailleurs. Pardon? Les places sont bien moins chères pour la finale dames que pour les demi-finales hommes, d'ailleurs. Parce qu'ils ont du mal à trouver des spectateurs pour la finale dames. Ouais. Malheureusement, souvent, ça joue en une heure, donc. Mais c'est ça, le tennis féminin n'est pas si passionnant que le tennis masculin, personnellement, je trouve. Oui, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Il y a des creux dans le tennis, et en ce moment, le tennis féminin est dans un creux, quoi. De toute façon, le tennis féminin, tu sais qu'au début d'un tournoi, si Serena Williams est là, tu sais qu'elle va gagner quasiment. Et encore, même quand elle a la grippe, elle gagne. Mais c'est ça, voilà. Ouais. C'est... On va en reparler, ça. Oui. Après, personnellement, maintenant qu'il n'y a plus Justine Henin et Kim Clijsters, maintenant, personnellement, je m'en fiche un peu plus du tennis féminin. Oui. Mais, enfin, nous, tu sais, ça remonte à Marine Pierre et à Amélie Mauresmo, alors ça date encore plus. Hein. Un peu de respect pour Marion Bartoli, elle a gagné Wimbledon. Ah putain, oui, c'est vrai. Mais Sinon, les grosses pertes par Roland Garros, c'est Amélie Mauresmo et surtout Marie Pierre. Mais c'était la même époque hein, que Justine Hénin et Kip Chessers. Elles sont peut-être un peu plus vieilles, mais c'est la même époque. Hein. Oui, tout à fait. Marie Pierre, c'est un peu plus vieille, mais Amélie Mauresmo, c'est tout à fait la même époque. Hein. Oui. Ouais, Marie Pierre, c'est. En même temps, Serena Williams aussi. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, elle était jeune. On reviendra sur le tennis féminin après. On continue sur le tennis masculin. Est-ce que vous avez des surprises sans les favoris, sans les Français, ou même des surprises qui vous ont, pas surprise pour le coup, dans ce tournoi des joueurs que vous attendiez pas à un tel niveau? Pas vraiment, personnellement. Si ce n'est peut-être Bolelli, oui, qui a été jusque contre Ferrer. En même temps, il n'y a pas eu un tableau très difficile. Hein. Maintenant, je pense que les favoris, en tout cas, ont répondu à présent, en tout cas. Et voilà. Pour moi, la surprise, c'est quand même Tsonga. Je ne le voyais pas à ce niveau-là, et en demi-finale, surtout. Oui, c'est vrai que si on doit sortir une surprise, c'est a priori cette chose. Au niveau des classements, en tout cas. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que son tableau, c'était quand même contre des joueurs qui devaient gagner, contre Sela et Adjudar, il devait gagner. Maintenant, Berdych, ça a été un gros morceau. C'est vrai que là, il a dû se perfectionner. Et contre Nishikori. Sur le papier, de par son classement, il devait s'arrêter contre Berdych. Il devait s'arrêter en huitième. Donc, il a quand même été en demi derrière. Il bat Berdych, qu'il avait pas battu très souvent. Il bat Nishikori, qu'il avait battu qu'une fois, je crois. Donc comme il le dit souvent après les matchs, c'est que le public a beaucoup d'importance, et je pense que vu qu'il est chez lui, etc., jouer à la maison, c'est beaucoup plus facile pour lui, et il est poussé vraiment par le public, et je pense que c'est vraiment comme une deuxième force. Même si malgré tout, c'est le seul Français depuis longtemps qui a été en demi-finale aussi à Wimbledon, qui a été en finale à l'Open d'Australie, il est capable d'aller en demi-finale sans le public. C'est pas ça qui fait qu'il va en demi-finale. Alors peut-être qu'il est plus motivé à Paris, parce que voilà, mais il est tout à fait capable d'aller en demi-finale dans n'importe quel tournoi du Grand Chelem. Même si c'est vrai qu'il avait quand même un tableau intéressant, parce que quand tu peux arriver en finale sans avoir affronté ni Djokovic, ni Federer, ni Nadal, ni Murray, forcément le tableau est intéressant. Après, moi je dirais que les deux surprises, c'est, enfin, au vu du début de saison surtout, c'est Tsonga et Wawrinka. C'est vrai que je les attendais pas à ce niveau-là. Après, Wawrinka a eu un tableau plutôt simple pour lui, donc bon. C'est à part Federer, mais sur le début de saison, les deux, tu me dis qu'ils sont en demi-finale tous les deux, je crois absolument pas, quoi. Pour Wawrinka, tu dis tableau simple. Quand tu regardes ses anciennes oppositions contre Gilles Simon, ça a toujours été très disputé en 5-7, patate et patata. Et là, de la manière dont il a étrié Gilles Simon, je me suis dit, oulala, il est très fort, lui. Et à mon avis, Federer, il va pas tenir le choc. Et voilà. Parce que Simon, c'est plutôt un joueur qui a tendance à poser des problèmes à n'importe qui. Même s'il peut finir par perdre, il va embêter tout le monde. Et là, la manière dont il s'est fait étrier, déjà, ça vous montrait bien que Wawrinka était en forme, mais c'était pas un tour facile pour Stan. Mais même Federer, hein. Federer qui perd en 3-7, ça, c'est bizarre, ça aussi, hein. Ouais, ça montre bien, comment il est en forme. Après, tu disais Simon, mais Simon, il a eu un début de tournoi. Enfin, le tour d'avant, c'était pas simple, hein. Il était pas non plus en super forme. Hein. Il gagne contre Mahut, mais en 5-7, quand même. Hein. Ça a été quand même super compliqué, déjà. Oui, mais Mahut a quand même éliminé Gulbis, hein. Attention. Oui, enfin, Gulbis. Gulbis, c'est, soit il est très très bon, soit il est très très mauvais. C'est certain. Oui, donc, Gulbis, voilà, il a pas gagné un match de l'année. Je crois qu'à la race, il est au-delà de la 150e place, quoi. Donc, ça te montre bien. Il n'est pas du tout en forme. Ouais. Donc voilà, on va maintenant passer. Oui, vas-y, tu voulais rajouter un dernier mot. Pour les demi-finales, j'ai regardé. Enfin, tu vois, les quatre demi-finalistes au début de leur carrière, c'est quand même pas des mecs de terre battue, quoi. Ils sont là, donc c'est qu'ils ont progressé, parce que même les, enfin, que ce soit Djokovic, Murray ou Tsonga, Wawrinka, au début de leur carrière, sur terre battue, ils étaient dégueulasses, quoi. Mais là, maintenant, ils ont un niveau assez impressionnant, quoi. Comme quoi, sur une surface, quand on n'est pas bon au début de sa carrière, on peut quand même progresser. Quoi. Après, je trouve que malgré tout, bon, ça vaudrait le coup de faire un débat, mais il y a quand même une homogénéisation des surfaces. C'est-à-dire que maintenant, tu peux t'en sortir un peu sur toutes les surfaces. Oui, la surface, être... pas. Non, voilà. Pas beaucoup. Hein. Ouais, de moins en moins, en tout cas. Avant, quand tu avais j'ai pas de nom en tête, mais un service volé à Wimbledon qui faisait pas un premier tour à Roland-Garros, ça se voit de moins en moins, quand même. Hein. Et puis aussi, il y a beaucoup de tournois sur terre battue, finalement. Oui, aussi, oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient décidé de ne pas, en début de tournoi, ça, je fais la transition vers les favoris, de ne pas changer l'attribution des têtes de série pour Nadal, jugeant qu'il y avait suffisamment de tournois sur terre battue et que donc le classement qu'il avait reflétait son niveau, tout simplement. C'est pour ça donc qu'il a affronté Djokovic dès l'écart. Et donc, pareil, bah, j'ai envie de dire, chez les favoris, à part la défaite de Federer, il n'y a pas eu d'énormes surprises. On attendait quand même un match plus serré entre Djokovic et Nadal, hein. Oui, c'est vrai. Mais Djokovic a été tout simplement énorme. Bah, de toute façon, il est énorme depuis le début de la saison. Oui, c'est certain. Moi, je trouve que c'est plutôt Nadal qui a été très mauvais. Oui, mais moi aussi, je trouve aussi. Hein, Nadal a été très mauvais, Djokovic a été énorme, et voilà, ça s'est fini en 3-7. Mais on attendait un match un peu plus serré, quoi, sur papier. J'ai l'impression que pour une fois, Nadal, c'est pas du tout dans son caractère, mais pour une fois, il est presque parti perdant, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'attendait, quoi qu'il arrive, à perdre contre Djokovic, et qu'il y croyait pas, à l'inverse de Murray, qui s'est dit, allez, je peux faire l'exploit, voilà. Nadal, il y croyait pas. Mais je pense que Murray a eu le facteur un peu chance, j'ai envie de dire, avec lui, et du coup, après, ça a décollé, il a vraiment géré le quatrième et le cinq, le troisième et le quatrième set. Et Nadal n'a pas eu ce facteur chance face à Djokovic, je pense. Mais c'est vrai que Djokovic, on fera juste après les pronostics sur la finale de demain. Mais je pense que là, actuellement, il est quasiment imbattable. Parce que, comme on dit, Murray est obligé de jouer à un niveau énorme pour lui prendre la troisième et quatrième manche. Et encore, dès qu'il break, sauf à la fin, Djokovic reprend le service. C'est ce qui s'est passé en tout début de quatrième manche. Et derrière, malgré tout, Djokovic continue en mode rouleau compresseur et lui met 6-1 dans la dernière, quoi. Oui, mais il faut vous dire aussi que durant la troisième et quatrième set face à Murray, Djokovic a vraiment eu une baisse de régime avec pas mal d'erreurs directes, etc. Et je pense que cette perte de 2-7 va avoir un petit coup au moral face à Wawrinka demain. Maintenant, bon, il est pas numéro 1 mondial pour rien et je pense qu'il va pouvoir se mettre ça de côté et finalement remporter cette finale. Oui, parce que pour moi, c'est lui qui va remporter cette finale. Je mettrai deux petits bémols. Le premier, c'est que Stan lui a toujours posé des problèmes. Ça va régulièrement en 5-7 entre les deux. Et le deuxième petit bémol, c'est que c'est le seul tournoi qui lui manque. Il a jamais gagné Roland-Garros. Et du coup, il peut y avoir un petit truc d'émotion au moment de conclure. Oui, oui, c'est possible. Mais bon, il est numéro 1 mondial et donc on suppose que cette petite émotion, ça va pas l'affecter dans sa victoire. Ou non, j'en sais rien finalement. Ben moi, je pense l'inverse de Matt. Je pense que ce tournoi est fait pour lui, en fait. Il est là pour le gagner, il va le gagner, il va le chercher, quoi. Ah, mais je suis quand même d'accord avec toi, je pense. Dans le fond, qu'il va gagner. Hein. J'ai essayé de mettre un peu de suspense, moi. Mais là, ça va être compliqué, quoi. Même si Wawrinka va essayer de lui prendre un set, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué pour Wawrinka, surtout après son match contre Tsonga, qui je pense a été assez épuisant. On l'a vu, il était vraiment tout rouge durant le match, mais ça, c'est à cause de la chaleur, etc. Donc je pense que ça a été fort épuisant pour lui. Maintenant, il a eu un jour de repos. Et en plus, Djokovic, non, n'a pas vraiment de jour de repos puisqu'il a joué aujourd'hui. Mais je pense que, oui, il faudra que Wawrinka a épuisé au fond de lui-même pour essayer de remporter ce Roland-Garros. Donc voilà, vous avez rien d'autre à ajouter sur le tournoi masculin? Tout le monde est d'accord pour dire Djokovic gagnant demain? Honnêtement, pour moi. La seule chance que Wawrinka a gagné, c'est que de la tôle se casse la gueule et lui tombe sur Djokovic, quoi. Encore, il serait capable de se relever. La seule chose qui pouvait arrêter Djokovic, c'était Nadal en finale, pas en quart. C'est la seule chose qui pouvait l'arrêter, je pense. Bah, moi, bizarrement, bon, c'est facile à dire ça, mais vu qu'il y a eu 5-7, je pensais que Murray était capable de lui poser des problèmes. Et hormis Murray, je pense que le seul joueur qui est capable de lui poser des problèmes, c'est Stan. Donc, je pense quand même que ça se jouera pas en 3-7, quoi. Je pense que Djoko va gagner, effectivement, mais ça ne se jouera pas en 3-7. Alors, je précise qu'à chaque fois que je fais un prono, je me plante lamentablement. Donc, c'est le moment de jouer le Djokovic 3-0. Allez-y, faites-vous plaisir. Ouais, moi, je vais jouer sur Djokovic 3-7-1. Max? Ouais, moi aussi. Pour moi, pareil. 3-7-1. 3-7. Bon, moi, je vais jouer à les Djokovic 3-2, voilà. Donc, on passe au tournoi féminin. Peut-être faire un peu plus court parce que ça passionne forcément, oui, ça passionne moins. Et Max va nous annoncer. Comment? J'ai pas entendu. Il n'y a pas grand chose à dire pour les Français. C'est bon, on peut aller sur le deuxième point. Ah, si, moi j'ai quelque chose à dire quand même. Et Max va nous annoncer en exclusivité la gagnante du tournoi. Ah. Non, là, Williams. Ça peut être possible. Je crois pas, non. Il fallait pas l'aider, c'est pour le mettre mal à l'aise. On précise aux gens qu'en fait, on enregistre le podcast pendant la finale féminine. Donc c'est pour ça qu'il aura du mal à donner gagnant, mais je pense qu'on aura la gagnante avant la fin du podcast. Donc, on va commencer avec les Françaises. Hormis, oui, effectivement, il n'y a pas énormément à dire. Hormis qu'Amandine S et Alizé Lim sont très jolies. Non, mais sinon, j'ai quand même des regrets pour Mladenovic, parce que c'est juste incroyable comment son tableau était ouvert après avoir sorti Bouchard. Et voilà, on a un Belge qui va nous narguer, voilà. Même personnellement, je n'attendais pas non plus là, hein. Ça a été une grosse surprise pour nous Belges de voir Van den Vank aller jusque, donc, jusque où encore? Là, était jusque 8e de finale, hein, non? Ouais, 8e de finale. Car, 8e. Ah non, 8 quart de finale jusque contre Bachinski. 8e, elle sort Mitula Roumaine. Oui, Mitula Roumaine, elle a sorti Mitula Roumaine, elle a sorti la Française Mladenovic, et aussi la Kazakh Diaz, qui est quand même 32e tête de série apparemment. Ouais. Donc je trouve que c'est un très beau tournoi, surtout que pour le premier contre Diaz, elle a perdu 6-0 quand même pour le premier set. Après, elle a fait 6-1 et 6-4. Bravo, chapeau. Oui, c'est vrai que... Mais malgré tout, voilà, comme tu dis, derrière, en quart de finale, c'est Bazinski. En demi-finale, il y avait une Serena apathique. Et du coup, je trouve que vraiment, pour Mladenovic, il y avait la place au moins d'aller en demi-finale, quoi. Et du coup, j'ai presque des regrets, parce que, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, Max. Justine Hénin, que tout le monde connaît, a révélé à la presse qu'elle avait été fort impressionnée par le mental de Van Vanke. Je pense que c'est le mental qui est vraiment très fort chez elle. C'est son mental. Ouais, c'est vrai que... On a peut-être découvert une future championne pendant son Roland-Garros. Elle va gagner 46 places au classement. Ouais, mais attention, parce qu'on avait déjà dit ça de Goffin, son premier Roland-Garros quand il avait joué contre Federer. Et il a quand même eu du temps, il doit mettre quand même du temps pour confirmer. Donc, il faut faire attention quand on dit ce genre de choses. Ouais, surtout qu'encore une fois, je parle toujours des points. Mais la pauvre Van Vliet-Funk, ça va lui faire mal la prochaine de défendre un quart de finale. Ça va pas être... C'est toujours marrant d'entendre les Français dire des noms pareils. Oui, Mladenovic, vous, hein. Et Mladenovic. Donc, oui, bon, c'est bon. Et donc, je pose la question aussi, peut-être plus Max GG, est-ce que vous pensez pas que Mladenovic, elle empêche sa progression à faire à chaque fois les doubles mixtes, les doubles, aller à chaque fois en finale, soit elle est très forte en double, mixte? Franchement, on pourrait dire ça. Après, quand tu vois que Safarova fait, finale du double et fait, finale en simple, voilà. Après Mladenovic, oui, c'est quand même des cas rares. Oui, c'est sûr. Après Mladenovic, elle nous avait déjà, je crois que c'est l'an dernier qu'elle avait déjà fait le coup en éliminant Lina au premier tour et après elle avait perdu, je crois au deuxième tour ou au troisième, je sais plus. Enfin, ouais, j'ai l'impression. Troisième tour contre Lizzy. J'ai l'impression que mentalement elle a un cap qu'elle a du mal à passer. J'ai l'impression que vraiment elle a du mal à, c'est-à-dire elle peut faire un coup mais après elle a du mal à enchaîner quoi. Là, elle avait enchaîné avec un deuxième tour correct. Mais voilà, alors avec tout le respect que j'ai pour Alison, je vais l'appeler comme ça, parce que je sais pas dire son nom, avec tout le respect que j'ai pour la joueuse belge, franchement, c'était quand même vraiment ouvert pour aller en huitième. En huitième, c'était MeToo, c'était carrément ouvert. Pour aller en quart, c'était Bazinski, ça restait prenable, voilà. J'ai l'impression que, limite, c'est son tableau qui lui a fait peur, quoi. Parce que ça paraissait tellement ouvert pour aller loin que... Ouais, c'est... Et en plus, contre la joueuse belge, là... dans le deuxième set, 6-1, quoi. Elle a pas vu le jour du tout, quoi. J'ai pas vu le match, j'étais là-bas, donc j'ai pas pu le voir, mais. Le score parle de lui-même, le 6-4-6-1, ça veut beaucoup dire, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que c'est assez dur. Après, côté français, on a Alizé Cornet, qui a malgré tout fait un bon tournoi. Qui fait le premier 8e de sa carrière à Roland-Garros. Il y avait la place pour aller en quart, je pense. Oui, aussi. Ouais. Maintenant. C'est pareil, mentalement, elle est très fluide. Mais il y a des grands noms qui sont vite tombés, hein. Oui. Il y a Bouchard. Mais Bouchard, elle fait plus grand chose, cette année. Mais il y a aussi, surtout, Alep et, Wozniacki. Je pensais qu'elle allait plus loin aussi. Iranie, elle a perdu contre Serena, jeudi ou en quart, je crois. Qui ça? Ouais, elle est sortie en quart, Sarah Iranie, ouais. Ouais. Je pensais qu'elle allait faire demi. Mais bon, après, c'est sûr que tomber contre Serena. Voilà, c'est ça le problème. Quand tu tombes contre Serena, c'est soit tu te fais gérer vite fait, soit tu passes. Ouais, elle est un peu en limite, quoi. Voilà, c'est ça. Serena, après, c'est pas honteux de perdre contre Serena, quoi. Elle est au-dessus de tout le monde, Serena, donc, c'est ça le problème. Ouais. Donc, voilà. Après, on va faire la minute pour Stonic avec tes surprises. C'est le moment de nous reparler d'Alison qui est sûrement la grande surprise, avec Baczynski quand même, qui est une vraie surprise, je trouve, de l'avoir en demi-finale, et même Safarova en finale, on s'y attendait pas. Beaucoup de surprises dans le tournoi féminin cette année. Ouais. Personne n'attendait Safarova, je crois. On aurait dit Safarova, bah... Ouais, Safarova, moi, je la voyais pas du tout en finale. Donc. Non, surtout quand elle était en face de Sharapova, quoi. C'est ça, voilà, c'est après ça. On a voyé éliminer Sharapova, quoi. Parce que... surtout qu'au tour précédent, elle était contre l'allemande Lisicki, là, qui est pas mal non plus. Donc, je pense que c'est une belle performance de Safarova, oui. Elle a pas eu un tableau très facile, en tout cas. Bah, même en finale, on n'a pas encore le dénouement, mais elle est menée 6-3-4-1 par Williams et elle remporte la deuxième manche. Mm. C'est quand même une preuve de, que c'est... même sa finale, elle a pas de pression pour sa première finale. Faut quand même dire, elle m'a enchaîné quand même. Lisicki, Sharapova, Muguruza et Ivanovic. Il y a plus facile comme tableau quand même. C'est clair. Pour moi, c'est Ivanovic, la grosse surprise, qui est revenue à un très bon niveau aussi. Elle était un peu perdue dans le classement ATP et là, elle revient vraiment bien cette année. Là, je la trouve vraiment en forme. Pour moi, c'est une petite surprise aussi. Oui. Ouais, elle n'a pas eu un tableau très difficile non plus. Hein. Oui, mais elle a quand même un niveau de jeu assez... Elle sort quand même on va dire comparé. Voilà. Mais moi personnellement j'attendais encore quand même un peu plus d'Ivanovic parce que bon d'accord je veux bien c'est un retour mais je pense qu'elle a quand même été elle a connu meilleur comme période quoi, en tout cas. Oui mais bon déjà elle était redescendue à un moment ça a pas duré longtemps mais au-delà de la 50e place donc la voir en demi-finale c'est quand même déjà qu'elle va mieux quoi que ça revient. Ouais ça revient tout doucement. Elle a peut-être gagné trop tôt aussi elle était jeune et voilà la fameuse confirmation derrière. C'est pas toujours évident. Non. Donc voilà, un dernier petit mot sur les filles, avec on y reviendra peut-être après, juste pour dire un petit mot sur la gagnante. Donc un dernier petit mot sur les filles. Des déceptions, on les a déjà dit, Simona Halep, Sharapova, qui ont perdu assez tôt finalement. Et Wozniacki. Oui. Même si Wozniacki, on n'attendait peut-être pas aussi haut que Halep ou Sharapova. Mais Caroline Garcia aussi, je suis un peu déçu. Je pensais qu'elle aurait pu... J'ai bien aimé sa conférence d'après-match, où elle a dit l'année prochaine, j'ai demandé à jouer sur le court numéro 17 au moins. J'aurais pas la pression, parce que dès que je joue sur le central, j'y arrive pas, je perds. Donc, déjà, ça te dit quelque chose sur le mental de la fille, quoi. C'est... Parce qu'après, si on joue sur le central, la pression, c'est compliqué. Enfin... Ouais, donc pour suivre régulièrement Caroline Garcia, elle marche par série. Elle est capable de faire 2-3 tournois où elle va battre les meilleurs, elle va aller en finale, etc. Et d'enchaîner après avec 3-4 tournois où elle va perdre au premier tour. Vraiment, il lui manque la régularité, mais elle peut vraiment battre les meilleurs. Ouais, mais ouais, c'est quand même cool. Si on regarde son tableau, après, elle pouvait aller jusqu'à jouer Ivanovic au troisième tour, quoi. Donc, après, elle a contre Ivanovic, ça aurait été compliqué, hein, c'est clair, mais... Et je pense que bizarrement, elle aurait eu moins de mal à jouer Ivanovic qu'à jouer une inconnue, en fait. Elle aurait moins eu la pression et... Elle aurait peut-être plus joué son jeu. Ouais, peut-être, ouais. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le tennis féminin. Autre chose à rajouter sur ce Roland-Garros 2015. Moi, j'ai juste un truc, c'est que je viens de remarquer. Pardon? Oui. On n'a pas dit des favorites, hein. Bon, il n'y a pas de grand... Si, on a parlé des fêtes, Sharapova et Halep qui ont vraiment déçu. J'avais parlé de Williams, moi, par exemple. Oui. C'est étonnant parce que je remarque que dans tous ses matchs, elle a toujours perdu le premier set. Donc, contre Friesman, contre Azarenka, contre Stephens, sauf contre Errani, mais contre aussi Baczynski, elle a toujours perdu le premier set. Ouais, et elle l'a pas fait, tu dis, contre Errani, et elle l'a pas fait au premier tour non plus. Mais sinon, c'est vrai qu'à chaque fois, difficulté à rentrer dedans, ouais. Aujourd'hui, elle a fait l'inverse. Elle a gagné le premier, elle a perdu le deuxième. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'elle va gagner le troisième? Le problème de Serena, cette année, au Roland-Garros, c'est qu'elle fait beaucoup, beaucoup de fautes directes. Ce qu'elle faisait pas les autres années. Mais elle est malade, hein. Elle est malade, hein. On y reviendra sur la maladie de... Mais après, pour la défendre, je trouve que cette année, elle joue très mal. Enfin, elle joue très mal. Elle joue pas bien, en tout cas. Et malgré tout, elle se bat. Et elle fait avec les moyens du bord. Et ça marche, parce qu'en finale, elle est bien partie pour gagner. Et voilà, et malgré tout, je dis respect. Parce qu'elle se bat comme une lionne, alors qu'elle joue pas terrible. Moi, j'ai vu le match contre Azarenka. Elle est menée 1-7 en break. Elle joue pas bien du tout au début. Et malgré tout, elle s'accroche. Et elle remporte le match. On en reparlera de ça. Bon, après ça, sans parler de maladie, hein. Malgré tout, elle a un mental qui fait qu'elle s'accroche et qu'elle lâche pas. Donc voilà, pour ce tennis féminin et ce Roland-Garros, ce 2015, je crois qu'on a à peu près tout dit. Si ce n'est que les Français n'ont pas brillé non plus en double, double mixte et autres parce qu'on n'a aucun Français en finale. On a eu un Français qui est en demi-finale junior, mais qui a perdu contre le futur vainqueur. Corentin Bonoli, voilà. Il a perdu contre Paul, donc. Ouais, je crois que... Non, bah non. C'est Paul contre Fritz, la finale, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas... Parce que ouais. Du coup... Ouais, donc il a perdu contre le perdant en finale, alors. Il a perdu contre Fritz. Donc voilà. Mais on avait un Français en demi-finale, Cocorico. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la suite de la saison. On va parler de Wimbledon. Qu'est-ce que vous imaginez pour Wimbledon? Djokovic encore largement au-dessus? Ou peut-être un réveil de Federer? Je vois bien une... Enfin, après, ça dépend des tableaux, mais je vois bien une finale Djokovic-Murray. Je pense que c'est clairement les deux meilleurs sur ce début de saison. Et... Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, finale. En plus, Murray, c'est quand même... Enfin, ouais, on peut le dire, c'est son tournoi, donc voilà. En tout cas, si c'est la finale, ce serait vraiment très sympa à suivre, ça c'est certain. Mais tout dépend des tableaux, etc. Maintenant, moi, j'espère toujours un petit peu un retour de Federer, mais son Wimbledon, son Roland Garros, pardon, n'a pas été assez performant que pour espérer une finale à Wimbledon, en tout cas. Le plus gros problème de Federer, son ennemi, c'est son âge. Et ça va jamais s'améliorer. Ça va ouais, ça, on n'y peut rien. Donc, mais bon, le niveau qu'il fait à son âge, je pense qu'il y a peu de personnes qui arriveraient à le faire. Bon, après, il y a quand même des joueurs qui ont réussi des performances à 33, 34 ans. Mais... Oui, mais lui, il a bientôt 40 ans. C'est pas la même chose. Federer? Oui. Pas du tout, il a 34, je crois. Ouais, non, Federer, il a plus. Il a 34. Non, il a 34 ans. Ah, il a 34? Ah ouais, tu voulais 34. Il a 33 ans. Il va avoir 34 ans le 8 août. Ah, moi, je crois qu'il avait 36. Non, il est enfin, jeune. Il est relativement jeune, quoi. Il est encore un an ou deux au maximum, mais il est pas... Donc ouais non mais c'est vrai que Federer moi je pense que après il va y avoir je sais pas il a fait quoi Murray il a gagné l'année dernière Wimbledon Murray ou c'est l'année d'avant qu'il gagne ouf ça tu me poses une colle j'entends les claviers pour vérifier donc malgré tout je pense qu'il va avoir un petit classement parce qu'à Wimbledon ils font les classements protégés donc je pense qu'il va avoir un petit classement protégé pour être tête de série pour pas affronter Djokovic avant les demi-finales. Du coup, effectivement, la demi-finale, Djokovic, la finale, Djokovic-Murray est carrément possible. Maintenant, tout dépend du tableau. C'est pas facile de se prononcer tant qu'on n'a pas eu les tableaux, mais. Oui, c'est vrai. Je mettrais quand même Murray en tant que vrai favori, plutôt que Djokovic. Ah bon? Quand on voit son match, d'aujourd'hui et d'hier, il est vraiment pas mal, et je pense que dans son pays, en Angleterre, il pourra faire quelque chose. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que Djokovic, c'est un rouleau compresseur, et qu'il est encore, même malgré le 5-7, oui, mais on a vu quand même que Murray pouvait déstabiliser Djokovic avec ses 2-7 qui ont été phénoménaux. Oui, mais après j'allais dire aussi si alors que GG nous a quitté, hein, on est Max moins estonique. J'allais dire s'il fait le même tournoi que à Roland Garros, son gars il peut faire quelque chose aussi. Sur le gazon, j'aurais tendance à penser que ça lui convient un peu plus que la température. Et donc il avait déjà fait demi-finale à Wimbledon. Je sais pas. Mais après, le gazon, voilà. c'est un peu plus lent, hein. Comme sur place, c'est plus lent. Et ouais, j'ai l'impression justement que son gars a un jeu plus rapide. Donc, je sais pas dire. Plus rapide, normalement, que la terre battue, en fait. Non. Parce que les plus grands services volleyeurs ont gagné sur gazon. Bon, bah, dis peut-être une connerie. J'ai pas l'habitude de jouer sur gazon, donc la terre battue, c'est la surface la plus lente, normalement. Bah oui. Bon. On va couper ça au montage. Non, ça sera dans les best-of, t'inquiète. Mais ouais, après, son gars, ouais, il peut faire une performance maintenant contre des Federer, Djokovic ou Murray, ça va être compliqué quand même. L'année passée, ton gars a quand même été éliminé au quatrième tour contre Djokovic en 3-7. Hein. Voilà, je pense vraiment que sur les ceux que t'as cités, il n'y a que Djokovic ou ton gars aura aucune chance. Enfin, il y a toujours une chance, mais par contre, contre Murray ou Federer, surtout Federer d'ailleurs, je le vois bien pouvoir poser des problèmes à Federer. Voilà. Après, le problème de Tsonga, c'est qu'il a pas joué pendant 3-4 mois, donc son classement est pas terrible, donc il va se taper des gros dès les huitièmes, quoi. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que, l'année passée, en Wimbledon, on retrouvait en demi-finale deux noms qu'on n'a pas vus à Roland Garros, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous le savez, c'est Dimitrov et Raonic. Raonic, il était blessé. Et Dimitrov. Ah non, Dimitrov, il a joué, il s'est fait vite éliminer. Comme l'année dernière, perdu au premier tour. Et cette année, il a perdu contre Jack Sock. Qu'on n'a pas parlé dans les surprises, pardon. mais qui a fait un très bon tournoi. C'était pas Jackson. Vraiment une surprise, hein. C'est un très très bon joueur qui est encore tout jeune. Donc il a fait un beau tournoi, c'est un peu, j'ai envie de le comparer un petit peu au premier tournoi de Goffin, qui avait fait aussi un très bon tournoi et qui était tombé contre Federer. Donc personnellement, Jack Sock n'était pas vraiment une surprise pour moi. Mais il a fait un beau tournoi, c'est sûr. Bah, j'ai vu son match contre Carreño Busta au deuxième tour parce que j'avais fait un pari en ligne. Et donc je voulais suivre ça. Et pour le coup, il m'avait un peu fait penser à un mix vraiment entre Gaël et Joe, très puissant comme Joe, mais capable de sortir du match n'importe quoi pendant une heure, à envoyer des balles un mètre dehors. Vraiment, il est jeune, il est jeune. Ouais, et pareil contre Nadal, il a pris un set, il était mené 5-3, service à suivre Nadal, et il a gagné le 7-7-5. Donc c'est sur quelques moments, il est capable d'être très très fort. Et t'as raison, je pense qu'on va le revoir. Mm-hmm. Voilà. Et ça peut aussi, vu son jeu, être une surprise à Wimbledon. Jack Sock, oui. Non. Ouais. Et donc voilà, donc on peut révéler enfin qui a gagné Roland Garros féminin. C'est ton prix. Serena Williams. Qui s'impose 6-3, 6-7, 6-2. Grosse surprise. C'est dommage pour le beau parcours de Safarova quand même. Et qui remporte son 20e titre du Grand Chelem. On va en revenir, mais Williams, j'ai vraiment pas pu la saquer durant tout le tournoi, personnellement. Surtout en demi-finale. Ah, le pire, c'est en on en parlera après. Donc on continue un peu avec la suite de la saison. Donc voilà, Wimbledon, on attend plus Djokovic et Murray, je vais y arriver. Chez les filles, toujours, c'est un peu, on va peut-être pas s'attarder très longtemps, parce qu'il peut y avoir beaucoup de... C'est Williams la favorite, hein. La grande favorite, c'est Williams. Oui, tout à fait. C'est clair. Après, il y a un autre grand chelem un peu plus tard, qui sera au mois d'août, c'est l'US Open. L'US Open, c'est toujours plein de surprises, parce que ça arrive en fin de saison, et les joueurs sont plus fatigués. Et du coup, je pense que c'est vraiment le grand chelem qui peut réserver plus de surprises. Tout à fait. Mais c'est très difficile de s'exprimer là-dessus sans les tableaux. Mais ouais. Après, ça dépend. Si Djokovic gagne demain et qu'il gagne Wimbledon, il sera surmotivé pour faire le grand chelem. Et là, si vraiment il gagne Roland et Wimbledon à l'US Open, moi, ceux qui vont jouer contre lui, je dis bon courage, hein, parce que là... Il est déjà irrattrapable au niveau classement général, mais alors, s'il gagne ces deux tournois, ces trois tournois... Mais bizarrement, je pense pas qu'il le fera, en fait. Parce que même le Federer de la plus belle époque ne l'a pas fait, et je pense que c'est vraiment dur. Et il y aura toujours un joueur... Là, ça a failli être Murray, ça a été quand même en 5-7. Il y a toujours un joueur qui lui posera des problèmes. Après, tu parles du Federer des grandes années qu'il a jamais fait. Le problème du Federer des grandes années, c'est que sur terre battue, en finale, à chaque fois, il s'appelait Nadal et c'était, enfin, il était, Nadal, à cette époque-là, était injouable sur terre battue, donc, c'était impossible de le faire pour lui, quoi. C'est-à-dire, il savait qu'en finale, il s'appelait Nadal et à chaque fois, il se prenait une branlée, généralement, en finale, donc, mais là, le truc, c'est que là, je vois même pas qui peut vraiment le battre, quoi. C'est ça, c'est Djokovic, même quand il est inquiété, même contre Murray, quand il a été inquiété, t'as l'impression que, il allait gagner quand même, quoi. C'est pas... Il se met jamais la pression, quoi. Même, il a perdu 2-7 contre Murray, mais, Il était tout à fait serein, hein. C'est tout l'inverse de Murray qui, lui, il venait de gagner 2-7, il était il était jamais aussi proche de la finale de Roland Garros, donc il y avait une super grosse pression sur lui. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il a perdu 6-1 au dernier set. Entre autres, en tout cas. Bah, surtout qu'on dit toujours Djokovic est imbattable, et là il se dit putain, moi je peux le battre, et ça a mis une pression. Ah, c'est certain. On a fini sur l'US Open? Oui, oui. Ok. Oui. Pour finir sur la suite de la saison 2015, un petit mot sur la Coupe Davis aussi. Je crois d'abord avec Tony que nos amis belges sont encore en course. Yep. oui, vous avez battu la Suisse, en fait. Je t'aide dans oui, la. Oui, juste. Mais, personnellement, je l'ai pas suivi, donc je sais pas. Vous avez battu la Suisse 3-2. Ben voilà, je suis heureux de l'apprendre. Ben voilà, en plus on t'apprend des bonnes nouvelles, n'est-ce pas merveilleux? Et donc ouais, les Belges qui ont affronté une Suisse sans Stan, sans Roger, donc normalement vous étiez largement favori. Mais Goffin était un peu forfait, donc il n'a pas joué le vendredi, fait que vous êtes retrouvé à 1-1. Vous avez gagné le double, je crois, ça a fait 2-1. Vous avez perdu le premier match le samedi, ça a fait 2-2. Et donc vous avez quand même fait rentrer Goffin pour le dernier match, ça a fait 3-2. Voilà. Merci Matt. Voilà. Donc je suis belge dorénavant. sinon donc on va revenir un peu sur la France quand même. Est-ce que Max, tu penses qu'on peut enfin la gagner cette année? On peut. Maintenant le prochain tour, c'est pas forcément un tour très très simple. parce que jouer l'Angleterre chez eux au Queen's, ça va être quand même être très très très tendu quoi. Enfin, surtout quand on voit la performance des Anglais contre les États-Unis, si on passe ce tour-là, on a nos chances, je pense. Mais ce tour-là va être très très compliqué. Alors moi, chaque année, j'étudie en long, en large et en travers le parcours. Et en fait, ce qui m'inquiète, déjà, j'ai pas une image du Queen's, mais j'ai pas l'impression que c'est un gros cours, le Queen's. Je vois ça comme un petit cours assez familial, ce qui serait finalement pas plus mal de jouer dans une ambiance plus cosy que devant 20 000. Ici, j'ai une photo du Queen's. Oui, c'est familial. Maintenant, il y a quand même pas mal de monde qui peut s'entasser dans ce cours. Donc, hein. Pas une bonne nouvelle. Bah, c'est pas le cours Philippe Chatrier de Roland Garros, c'est certain, ça. Ouais, ils ont pas pu jouer à Wimbledon non plus, parce que c'est une semaine après les internationaux de Grande-Bretagne, et du coup le cours aurait été trop usé pour jouer à Wimbledon. Et en fait, ce qui me fait peur, moi, c'est que le double anglais, parce que finalement l'Angleterre, sur le papier, ça se résume en Andy Murray, mais le problème, c'est que le double anglais au premier tour, ils ont perdu 9-7, je crois, au cinquième set contre les frères Bryan. Et ça, c'est pas rassurant du tout. C'est ça. Mais ils perdaient 2-7-0, ils sont revenus à 2-7 partout, ils perdent 9-7 dans le dernier. Et ça, c'est pas rassurant du tout. Parce que si on prend pas le double, derrière, c'est... Et à côté, il y a des joueurs qui, comme Andy Murray, qui déclarent, donc en début après, ici, je vois que le gazon, donc, pourrait faire moins ressortir les qualités d'un joueur comme Gaël Monfils, durant la Coupe Davis, donc, prétentieux de sa part, mais... Il a raison. Enfin, de mon point de vue, je pense qu'il y a raison, parce que Gaël n'a jamais rien fait sur le gazon. Ouais. Je pense que le meilleur sur le gazon, c'est peut-être Gasquet. Et Tsonga, quand même, hein. Tsonga, c'est un multiterrain, je crois, hein. Il peut très bien jouer sur le gazon. Oui, mais sur le gazon, il peut être très fort aussi. Oui. Et il y a même une performance aussi qui est quand même pas mal aussi, c'est Ward, le vendredi, qui a quand même battu Isner en 5-7. Ouais, mais Isner, il était dans une période un petit peu moins en forme. Là, ça commence à aller mieux pour Isner, mais à ce moment-là, il était vraiment prenable. Bon, ça reste Ward. Isner est plus gazon aussi, hein. Isner est plus gazon. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez, le match le plus long, c'était à Wimbledon. Isner m'a eu, hein. Oui, c'est ça. Mais, pour le coup, le premier tour était pas sur gazon, hein, le premier tour des Anglais. C'était sur dur. Mm. Ouais. À Glasgow aussi, je crois. C'est même, oui, c'est ça d'ailleurs. Pour moi, dans ma tête, ça va se résumer au double, parce que je pense que Murray va prendre ses deux points, que nous, on peut quand même, avec Gasquet et Tsonga, battre Ward, ou un autre Anglais, et le double va vraiment être capital. Pour le double, je pense qu'on va peut-être garder Nicolas Mahut, parce qu'en plus, c'est sur gazon, spécialiste du double, donc il est possible qu'on le garde. Après, je sais pas, on va mettre qui avec lui, sûrement encore Tsonga, mais voilà, le double, il va vraiment être capital, je pense. Mais donc, pour rappeler les différents rendez-vous pour la Coupe Davis, c'est donc les quarts de finale mi-juillet, 17 juillet, entre la Grande-Bretagne et la France, l'Australie et le Kazakhstan, l'Argentine, la Serbie, et la Belgique et le Canada. Bon, au Canada, à part Raonic, je ne vois pas vraiment... Il y a Pospisil, quand même. Il y a qui? Pospisil, qui est dans les 50e. Ça me dit rien. Et puis surtout, ils ont un très bon joueur de double, dont j'ai plus le nom, c'est même c'est pas Daniel Nestor. Je sais pas. Mais ils ont un bon joueur de double aussi, donc c'est quand même... C'est le classement double, Nestor avec Pospisil, contre le Japon, ouais. Voilà. Donc attention quand même, c'est moi ce qui me fait peur aussi, pour continuer un peu sur le tableau de la France, c'est que l'Australie en demi-finale, parce que je pense que l'Australie, je pars du principe que l'Australie va battre le Kazakhstan, mais l'Australie, attention, parce que ça monte, hein. Kyrgios, Tomic, Kokkinakis, c'est une génération vraiment... Oui, c'est une belle génération qui arrive de l'Australie, oui, en effet. Tomic, tu lui fais péter un câble, c'est bon, t'as gagné le match. Il suffit juste de lui faire péter les plombs à Tomic, c'est bon. Mais je pense que l'Australie, on peut encore les prendre cette année, mais ils vont être de plus en plus durs à prendre, l'Australie. Si les joueurs confirment, ça va être dur. Et donc, toutes les nations qui sont en quart de finale de Coupe Davis, c'est pas pour rien qu'elles sont en quart de finale, hein. Ouais, après, encore une fois, je veux pas critiquer, mais la Belgique, à part Goffin, vous avez pas non plus. Ouais, on a eu la chance avec la Suisse, c'est certain. Je l'avoue moi-même, hein. Après, le Kazakhstan, il y a pas non plus des ténors. Bah, non. Il y a Kukushkin, Golubev, Nedoviezov et compagnie, c'est pas exceptionnel, quoi. Argentine-Serbie, ça peut être beau, hein, ça. Ouais, surtout que cette année, Djokovic dispute la compétition. Voilà. Sur le papier, pour moi, c'est une finale France-Serbie encore, mais bon, on verra ce que ça dit. Mais, par exemple, pour l'Australie, il y a un joueur que je pensais franchement qu'il avait arrêté. C'est Leighton Hewitt qui a joué en double. Non, il n'a pas arrêté. Celui-là, il arrête. Je sais pas quand il avait arrêté, hein, mais on le voit toujours. que son dernier tournoi serait l'Open d'Australie 2016. Ah bon? C'est ce qu'il ouais, a annoncé. Il avait pas annoncé une pré-retraite avant. Enfin, j'ai l'impression qu'il est déjà pris en pré-retraite, mais il fera un dernier. Ouais, voilà. Ben voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est à partir de l'année prochaine qu'il devient capitaine de l'équipe de Coupe Davis d'Australie. Ben voilà. Comme ça, vous savez tout. Quand tu vois le capitaine et les joueurs qu'ils ont, ça peut c'est plutôt prometteur. Ah ouais, c'est sûr. Et donc, pour finir sur l'équipe de France, prochain tour, donc c'est en Angleterre. La demi-finale, si c'est contre l'Australie, ça sera en Australie. Donc, il faudra se lever tôt. Si, pour voir le match, chez tard, je sais pas trop. Si c'est contre le Kazakhstan, vu qu'on les a jamais affrontés, il y aura un tirage au sort pour déterminer si c'est en France ou au Kazakhstan. Et la finale, par contre, a priori, j'ai fait toutes les possibilités et ça devrait être en France. Donc, si on va en finale, on aura une deuxième finale en France. C'est du beau boulot, Matt. Chaque fois, je regarde pour aller voir les matchs, en fait. Une deuxième finale en France pour une deuxième défaite. Mais non. La semaine dernière, elle va pas se casser le poignet. Écoutez, vous allez déjà perdre dimanche contre nous en match amical, alors, hein. Non, bah ça, par contre, c'est possible. Ouais. Et c'est normal, parce que, comme nous, on a des grands joueurs, ils disputent la finale de la Coupe d'Europe, ils sont pas là. Vous pouvez pas comprendre, vous savez pas ce que c'est les grands joueurs. Hein. Ouais. Attention, ne me fais pas dévier vers ce débat-là. Donc voilà pour la suite de la saison. On n'a pas parlé non plus de la finale des Masters, des finales des Masters, mais c'est bien trop tôt, je pense, pour en parler. Oui, ça, c'est... On fera un podcast dans quelques mois. Oui. Donc, je vais vous poser des petites questions et vous allez me donner vos avis. Oui. Est-ce que vous pensez que Rafael Nadal et Roger Federer sont finis? Moi, ça m'étonnerait. J'ai toujours un faible pour Federer et j'ai toujours envie de croire qu'il va revenir. Maintenant, c'est vrai qu'à ce moment-là, Garros, personnellement, je le trouve un peu décevant. Et Nadal, avec les soucis qu'on a connus pour lui, c'est pas facile. Maintenant, il a dit à la presse, après sa défaite contre Djokovic, qu'il allait revenir plus fort. Donc, on espère que il va revenir. Maintenant, ça me paraît difficile parce que revenir, il essaie de le faire depuis déjà quelques temps et c'est difficile pour lui en tout cas. Mais je pense pas qu'ils sont finis encore. En tout cas, pas Nadal. Max. Pour Federer, je pense pas. Je pense que c'est pas la première fois qu'on dit qu'il est cramé, qu'il fera plus rien et qu'il revient et qu'il regagne. Donc voilà. Par contre, pour Nadal, j'ai un petit peu peur que son physique soit problématique, quoi. Parce que en plus, c'est quand même un joueur qui joue énormément là-dessus. Et, il a les genoux complètement. Enfin, il a même plus de genoux, quoi. C'est donc j'ai du mal. Peut-être que maintenant, il va vraiment se concentrer sur la saison en terre battue, parce que c'est là où il est le meilleur. Mais j'aurais bien aimé qu'il gagne son 10e Roland Garros, mais je pense pas qu'il le fera. Il aura vraiment du mal. Face à des Djokovic, face à des Murray. Mais il peut vite revenir au top. Hein. Enfin, il a la qualité en tout cas pour ça, donc c'est difficile à dire. Je vais m'abstenir sur Nadal parce que je suis pas du tout objectif tant je ne l'apprécie pas. Ah ben voilà, ça c'est lui. Ouais, non, mais enfin pour moi il peut revenir. Si on trouve des nouveaux produits, il aura pas de mal à revenir. Mais voilà. Oh, et chaque fois il part 6 mois, il revient. Le bras il est encore doublé. Il y a un moment il peut plus doubler. Et chaque fois il revient, il est encore plus fort. Mystère de la science. Alors qu'il était soi-disant blessé pour 6 mois. C'est vrai que on le voit jouer, on dirait qu'il est dopé. C'est vrai. D'ailleurs il transpire comme un bœuf. Ah mais c'est pas en dirait. Hein, bon, après, je suppose qu'il n'est pas le seul. Hein. C'est comme ceux qui ont raté le gluten et qui gagnent tout. Hein. Mais bon. Non, après, pour revenir... Pourtant, je l'apprécie, Djokovic. Pour revenir sur Federer, pour moi, on est quand même sur la fin, parce que effectivement, l'année dernière, il va en finale à Wimbledon, mais après, si tu regardes son parcours, ça va pas plus loin que les deux meilleurs. Tu me dis, c'est très bien. Je pense que le Wimbledon qui va arriver va être très révélateur par rapport à s'il est fini ou pas. Je pense après, que faudra après Wimbledon... tirer des conclusions parce qu'en 2013 à Wimbledon il sort au deuxième tour contre Starovski, ce qui est quand même une énorme surprise. Oui, mais maintenant surprise. là on a déjà de la déception de Roland Garros. Maintenant, si on a une deuxième déception à Wimbledon, on risque de dire qu'il est fini maintenant. Et encore, la déception de Roland Garros est moins importante que celle de l'Open d'Australie où il sort au troisième tour contre Seppi. C'est encore pire, je trouve. Ouais, mais c'est difficile à dire maintenant. Ce type il a fait sa carrière. Maintenant, est-ce qu'il joue encore? Est-ce qu'il joue encore pour vraiment gagner ou est-ce qu'il joue par pur plaisir? C'est difficile à dire déjà. Ah, il avait un dernier rêve, mais je pense qu'il aura pas de niveau. C'était les JO 2016 en fait, mais. Ouais, c'est difficile à dire. On n'est pas dans sa tête. En tout cas, hein. Il ira jusque-là au minimum, je pense. Mais pour moi, il a laissé passer vraiment. Ça, peut-être qu'il y en aura d'autres. Faut jamais dire jamais. Mais une énorme occasion, c'est l'US Open l'année dernière, parce qu'une demi-finale contre Cilic, sur le papier, c'est quand même largement prenable. Donc, il a vraiment laissé. Donc voilà, Nadal, je dis que. Pour moi, il est fini. mais avec lui, on ne sait jamais, si vous voyez ce que je veux dire. Et Federer, bah, je pense que oui, malheureusement, la pente est descendante et je vois pas de sursaut. Mm-hmm. Voilà. Donc ensuite, je vais pas tout faire parce qu'on en est déjà bientôt à une heure. Donc je vais vous demander, est-ce que je laisse le dernier pour la fin parce que je sens que Serena Williams passionne Stonic. Mais est-ce que, donc, bon là c'est peut-être plus pour Max, est-ce qu'un Français peut gagner un grand chelem dans les 5 ans à venir? J'ai l'impression qu'on pose cette question bah, depuis Yannick, mais pour le coup on n'en a jamais gagné depuis. Bah si Djokovic, Wawrinka, Murray, Nadal se pètent tous le genou la même année, pourquoi pas? C'est très dur, franchement, je le trouve très dur. C'est un ami clair en tout cas. Bah, non, surtout mais... que Marin Cilic a gagné l'année dernière en l'occurrence. Ouais mais non, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense que ça va... Ou alors un mec qui... Enfin, les cas dont on parlait, là, je pense pas qu'il gagne un tournoi, clairement. Un tournoi du Grand Chelem, hein, bien sûr, j'y crois moyennement. Et donc peut-être un qui sort de nulle part, je sais pas, un jeune qui se révèle et qui peut-être, dans les prochaines années, devient très fort, mais sinon, j'y crois pas vraiment. Mais quand tu parles de peut-être nouveau futur espoir... dans la question par exemple qui seront les nouveaux teneurs de demain, justement il y a beaucoup de, par exemple on a une belle génération australienne qui arrive, on a une belle génération américaine qui arrive, donc il y a beaucoup de bons nouveaux qui arrivent et ça va être dur pour, je pense, pour mes amis français de pouvoir aller au bout quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, alors effectivement les juniors ne représentent pas une réalité absolue. Mais par exemple, Murray a gagné chez les juniors, Cilic a gagné chez les juniors, Nishikori a gagné chez les juniors. Donc ça permet de se faire une idée quand même. Voilà. Et il y a un moment, on gagnait tout chez les juniors, avec mon fils, avec Simon, etc. Et là, depuis quelques années, on ne gagne plus rien chez les juniors. Donc ça prouve qu'en plus de ne pas gagner actuellement, normalement, la génération qui arrive est moins forte. Ça montre peut-être qu'il y a peut-être un... Je sais pas, un petit souci, je connais pas vraiment la Fédération française de tennis, mais il y a peut-être aussi un petit souci dans la fédération elle-même, parce que quand il y a comme vous disiez la génération des quatre mousquetaires qui gagne beaucoup de choses en junior et qui a du mal à confirmer en adulte, ben c'est que il y a un truc qui va pas quoi. Pour aller dans ton sens, il y a deux petites anecdotes. C'est son gars qui a raconté une fois au journal d'équipe que en France, quand un joueur rentre dans le top 100, on l'accueille à la fédération avec une bouteille de champagne et on lui fait la fête. Qu'on n'a pas un... je sais pas comment expliquer. Il dit, pour moi, le top 100, ça doit pas être un objectif. En France, c'est un objectif. Quand on est dans le top 100, on a réussi notre carrière. Ouais, et... ça, c'est déjà. C'est, ouais, pas bon. c'est ça le problème, quoi. Enfin, c'est, bon, encore, et... que tu fasses ça quand il rentre dans le top 10, top 5, ok. Et encore, même pas, ton gars, bon, il l'a pas confirmé derrière. Mais ton gars dit, moi, il y a qu'un seul objectif, c'est le top 1. Ouais. Ça sert à rien de jouer au tennis si c'est pour pas avoir comme objectif d'être top 1. Ça, c'est déjà une bonne mentalité, en tout cas. Oui. Et donc, un petit motif d'espoir, c'est Arnaud Di Pasquale, qui est donc le directeur technique et national en France, le DTN, qui a dit, on lui a demandé s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il a répondu qu'on n'a pas gagné un grand chelem en junior depuis une dizaine d'années et qu'on n'a pas gagné un grand chelem depuis plus de 30 ans, c'est que forcément, ça ne va pas et forcément, faut tout changer. Il n'a pas tort. Donc, on peut espérer, vu qu'il est là depuis un an ou deux, voir des changements à l'avenir. Bah bon, je dis qu'il y a peut-être des problèmes à la fédération française, mais je pense qu'il y en a aussi à la fédération belge, où on voit des Darcis qui avaient vraiment un bon niveau quand ils étaient jeunes, ne pas confirmer. Donc oui, je pense que c'est peut-être même peut-être européen, parce qu'on voit vraiment la génération australienne et américaine qui arrive. Et après, sur les 16, Europe... en comptant femmes et hommes, sur les 32 joueurs qui étaient en 16e, c'est 8e, oui. Sur les 32 joueurs qui étaient en 8e, il y en a 30 qui étaient européens quand même. Donc a priori, ça marche bien pour l'Europe. Ouais. À part Serena chez les hommes, chez les femmes, pardon. Et Nishikori chez les hommes. À part Serena chez les femmes. Et Nishikori chez les hommes. C'est les autres, c'était tous des Européens. Donc, non, mais c'est vrai que, côté français, on a Lucas Pouille, mais il a l'air déjà un peu de stagner aux alentours de la 60e place depuis plus d'un an. Et après, derrière, c'est beaucoup plus loin. Quant à Alice, qui a fait un bon match contre Nadal au premier tour, mais qui est au-delà de la 200e place. Donc, c'est compliqué. Et encore une fois, chez les jeunes, derrière, il n'y a pas un ténor qui arrive. Bon, là, j'ai dit, on en avait un qui était en demi-finale espoir. Pourquoi pas faire quelque chose? Mais ça semble compliqué. Ouais. Après, tu parlais de Pouille et de l'autre, j'ai oublié son nom. Quant à Alice. Ouais. Surtout Alice, il est encore jeune, quoi. C'est son premier, c'est sa première saison en senior, je crois. Deuxième, peut-être, mais oui, ou peut-être première complète, oui. Et, bon, Lucas Pouille est encore jeune et Bon, voilà, après, il faut voir. Bizarrement, j'ai un peu plus de, d'espoir chez les filles, personnellement, mais, Ah, sûr, oui, moi aussi. Notamment une, enfin, que j'ai déjà vu jouer, que je trouve plutôt pas mal. Bon, elle a pas passé le premier tour, là, mais, c'est Océane dedans. Je pense qu'elle peut faire de bonnes choses à venir. Mais, après, chez les hommes, c'est super con. On voit pas vraiment de... Pour le coup, on a vraiment eu deux organisations différentes. C'est-à-dire que chez les hommes, on essayait d'en placer un maximum dans les tops. Et chez les femmes, on essayait d'en faire une ou deux capables de gagner. Et objectivement, elles sont encore jeunes, Caroline Garcia et Medvedevic, elles sont vraiment pas vieilles, et donc elles peuvent encore avoir l'espoir de faire quelque chose de grand. La même chose pour Océane Dodin. Voilà, on n'a pas 50 filles, mais les filles qu'on a sont très prometteuses. Chez les hommes, on en a beaucoup. Par exemple, Caroline Garcia, elle a 21 ans, quoi. Donc ça reste plein d'espoir. Elle est la cinquième mondiale, moins de 21 ans. Donc voilà, ça reste plein d'espoir. Et chez les filles, on place vraiment des filles, pas énormément, mais qui ont l'espoir, alors que chez les hommes, on a l'impression qu'on en a énormément, mais il n'y en a aucun qui semble au-dessus du lot. C'est ça, t'as l'impression qu'ils peuvent pas aller plus haut que le top 15, quoi, c'est, enfin, voilà. Ils sont top 15, bon. Et pour la petite histoire, je retrouve plus. Voilà, Quentin Alice, c'est, voilà, un exemple tout bête, on ne sait rien dire, il fera peut-être une meilleure carrière, mais Quentin Alice, il a 18 ans, il est, je retrouve plus ce classement, il est 298e mondial, Borna Koric, il a le même âge, il est 41e mondial. Donc à partir de là, le fossé me semble quand même important. Voilà, il y a déjà 250 places d'écart. Ouais, c'est comme Lucas Pouille, il a 21 ans. Devant lui, il a Zverev qui a 18 ans, il a Chung qui a 19 ans, Kokkinakis qui a 19 ans, Kyrgios qui a 20 ans, Koric qui a 18 ans. Tous ceux-là, ils sont plus jeunes que Lucas Pouille. Et pourtant, ils sont déjà bien plus connus. Ouais, c'est ça. Bah c'est bizarre parce que Lucas Pouille, pourtant, on en parlait comme un bon futur joueur, alors peut-être pas numéro 1 mondial, mais... Non, mais malheureusement, c'est peut-être de ce qu'on devra se contenter dans les années à venir. C'est qu'on a eu une génération, malgré tout, même si elle n'a pas confirmé, dorée. Je lisais qu'il y a 3-4 ans, le numéro 3 français, il était 14e mondial, ce qui est quand même énorme. Et malheureusement, on risque de se retaper des joueurs qui sont aux alentours de la 50e place. Voilà, quoi. Tu parlais de Quentin Alice, il a joué deux matchs chez les seniors, donc bon. Après, il a peut-être fait des challengers, des futurs, tout ça aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'il est pas mal là-dessus, donc bon. Et donc, pour finir sur les jeunes, une petite note d'espoir pour Tonic. Le numéro 10, moins de 21 ans, qui meurt Kopejan, Belgique. Ouais. Kopejans. D'ailleurs, ça ressemble presque à mon troisième mondial. Personnellement. Donc, oui. Il a fait un premier tour qui était pas mal. J'ai vu son match et franchement, il avait des bons coups. Je sais plus contre qui c'était par contre. Il est sorti des qualifs aussi. Oui. Donc, il a gagné trois matchs avant, en plus. Oui, donc c'est une belle petite surprise. Maintenant, je vous avoue qu'ici en Belgique, en tout cas, moi je la connais pas très très très bien, mais à voir. Copelance, il a perdu au premier tour contre Mahut. Voilà, contre Mahut. Mais pour le coup, vous êtes peut-être plus réaliste que nous, parce que Copelance, il a à peu près le même classement que Lucas Pouille, à 5 places près, donc c'est quasiment le même. Il a le même âge que Lucas Pouille, mais voilà, vous avez compris que c'était pas le futur numéro 1 mondial, et vous lui mettez pas la pression, et vous en faites pas des tonnes, quoi. Mais c'est surtout aussi que ici en Belgique, on est un plus petit pays, et du coup, on a moins de chances on a moins de concurrence, si je puis dire, que par rapport à la France, qui est un plus grand pays, avec plus, il y a plus de gens, quoi, donc, il y a plus facilement de trouver quelqu'un qui pourrait faire quelque chose dans un bon classement, donc, voilà. On espère que Copenhague va réussir, mais on s'emballe pas, quoi. D'accord. Donc, après, je te lance dans ton débat coup de cœur. Est-ce que vous avez jugé Serena Williams irrespectueuse envers ses adversaires pendant ce tournoi? Donc, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi, notamment en demi-finale, Serena Williams était à l'agonie au bord du malaise, ne pouvait plus marcher, mais arrivait à servir à 200 km/h et gagner des points. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est pas mon débat préféré, mais bon, ce qui me fascinait, c'est que, du coup, du Hong Kong, disait contre Baczynski, elle avait perdu le premier set, et deuxième, elle s'est mal embarquée, etc. Puis après, elle arrive à revenir et à gagner finalement ce match. Moi, je ne comprends pas parce que on disait qu'elle était malade. Ok, elle peut être malade. Ça, j'ai dit pas le contraire. Mais à côté, elle va te gagner une demi-finale contre une Baczynski qui a fait un très bon tournoi et elle va te servir à 190 km/h, ce que même des hommes ne peuvent parfois ne pas faire. Donc, il faut quand même qu'on m'explique. Est-ce qu'elle est vraiment malade ou est-ce qu'elle fait la comédie? Je ne sais pas. Mais quand on sert à 190 km/h pour une femme, j'ai pas l'impression qu'elle était vraiment malade, quoi. Et qu'elle a fait plus de la comédie. Et si c'est le cas, c'est vraiment un manque de fair play et c'est carrément irrespectueux envers son adversaire, Baczynski, qui, voilà. Baczynski est une joueuse qui a failli arrêter, parce que voilà, elle n'y arrivait pas, etc. Elle a voulu aller se lancer dans le, comme hôtesse de l'air. Puis à un moment, elle est revenue et voilà ce qu'elle te fait à Roland Garros. Donc, je sais pas, je sais pas, je suis pas Williams, hein, je n'ose pas dire ça. J'ai un grand respect pour cette joueuse qui c'est elle numéro un mondial depuis longtemps, mais maintenant, je n'aime pas son attitude sur terrain en tout cas. Max? Bah ouais, c'est moi c'est pareil. Enfin, c'est une grande championne. Alors oui, elle est malade. Elle peut être malade. Ça peut arriver. Mais si t'es malade, tu joues pas comme ça, quoi. Soit t'es malade et tu fais des services à la vraiment, enfin, pourri, voilà. Soit t'es pas malade et effectivement tu peux servir à 200 km/h, quoi. Mais c'est pas, tu peux pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Au bout d'un moment, Et par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est aussi l'arbitrage, c'est-à-dire qu'elle mettait 3 plombes à chaque point, entre chaque point, et elle a jamais été avertie, quoi. Au bout d'un moment, ça aurait été une autre joueuse. Nadal a été averti assez rapidement. Ouais, voilà, ça aurait été une autre joueuse, ça aurait été par exemple Bachinski qui aurait fait la même chose. Ah ben, je pense que là, elle aurait été avertie sans problème. Mais vu ce que c'est Serena, non, on l'avertit pas, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça aussi moyen de la part de l'arbitre, quoi. Je pense qu'en même temps, ça vaudrait un peu trop comme une DS. Je pense qu'on a. Ça vaudrait le coup de faire un autre débat, mais voilà. Mais pour le coup, malheureusement, les arbitres, avec ce qu'a fait Nadal de blacklister un arbitre, ils ont un peu la pression maintenant parce que c'est ceux qui sont censés arbitrer qui choisissent qui les arbitre. Donc, si tu vas contre Serena et qu'après Serena veut plus que tu l'arbitres, tu sais que t'arbitreras plus de finale. Donc, c'est problématique. Ça va pas déjà. Ouais, c'est pas normal, quoi. Tu vois ça nulle part ailleurs, quoi. Ouais, bah c'est Nadal qui a donc blacklisté, comment il s'appelle l'arbitre, j'ai oublié le nom de Carlos Bernardes, voilà. Et donc Nadal n'est plus arbitré par Carlos Bernardes. Ouais, ça va pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça va l'air de plus de la comédie qu'autre chose. Parce que j'ai regardé quelques images de sa finale, et là curieusement elle avait pas l'air malade, hein. Bah là elle a dit elle-même qu'elle allait mieux. Mais bon, après au bout de 2 jours c'est possible d'aller mieux. Elle va pas être à 40 pendant 10 jours non plus. Mais truc c'est que je pense qu'elle était vraiment malade parce qu'elle ne s'est pas entraînée le matin tout ça, mais elle en a beaucoup rajouté en disant au moins si je perds voilà. Et moi c'est ce que je pense. Et surtout aujourd'hui et hier apparemment ça allait mieux, mais elle s'en est servie hier par exemple pour pas aller à la conférence de presse. Pour ne pas faire l'entraînement de, parce qu'il y a une conférence d'avant-finale, patati, on fait des photos, patati. Elle n'y a pas été, elle s'en est un peu servie, parce qu'elle a fait aucune conférence de presse depuis une semaine. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu servie de ça. Si, elle jouait la comédie, elle devait la jouer jusqu'au bout, hein. Elle a montré qu'elle se soit vraie. Oui, mais par exemple, de dire qu'elle va mieux aujourd'hui, elle aurait pu aller à la conférence hier soir. C'est facile et bizarre. Comme par hasard, aujourd'hui que c'est la finale, tu vas mieux. Une chose est sûre, quand elle dit qu'elle a manqué de s'évanouir après la finale, qu'elle pouvait plus marcher, etc. Là, forcément, elle ment. Tu peux pas servir à 200, courir comme elle a couru pendant les points. Mais surtout que c'est pas comme si elle avait pas gagné plein de grands chelems, là. Je veux dire, c'est pas une joueuse qui, est toute jeune, elle a envie absolument de gagner Roland Garros. Et là, par exemple, elle a la chance d'aller, de pouvoir faire sa première finale à Roland Garros. Non, c'est pas le cas. Donc, c'est pas comme si, je sais pas, c'est pas comme si elle a pas déjà gagné les Roland Garros, donc je suppose que... pourquoi ne pas arrêter, je pense, hein. C'est ça que je me demande. Mais, ouais, puis, elle est malade, mais elle finit quand même sur un 6-0, donc bon, malade, ça va, quoi, c'est pas... Et contre une Banchiski qui a bien mérité, sa place, jusque là où est-ce qu'elle a été, quoi. Ouais, c'est ça, en plus, ouais, donc, bon. Encore, elle aurait gagné le dernier set, serré, bon, rapidement, elle est malade, et sur l'expérience, elle a joué. Le dernier set, elle fait comme 6-3, 6-0, hein, donc bon. Bah c'est moyen, quoi. Tu peux pas te dire que c'est un peu trop surjoué, enfin voilà, elle a trop surjoué, quoi. Ouais. Oui. C'est vrai que c'était un peu exagéré. Donc voilà. Comme on a commencé il y a un petit moment, on va passer à la dernière catégorie, qui est une catégorie à part qui existait déjà sur Manager Online et qu'on a décidé de poursuivre sur Youngtis. J'espère que je le dis bien. Donc c'est le coup de cœur, coup de gueule. Donc je vais peut-être laisser commencer Max, qui connaît, parce qu'il a déjà fait plusieurs fois des podcasts. Max, est-ce que t'as un coup de cœur? Ouais, j'ai un coup de cœur musique. J'en ai déjà parlé sur le forum, donc je pense que beaucoup l'ont vu, c'est l'album de Biclo et Oli, qui est sorti là début juin, et franchement il est très très très sympa. Et voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, écoutez. Voilà. Okay. Et donc t'as dit que c'était quel album? Big Flo et Oli, et le titre, c'est La Cour des Grands. D'accord. Et toi, Stonic? Bah, moi aussi, j'ai un coup de cœur, et c'est également dans la musique. J'en ai aussi parlé sur Youngtis. Et ça s'appelle Bon Entendeur, et je sais pas si vous connaissez, mais ce sont différents mix d'environ une heure de musique un peu chilly comme ça, sympa. Et moi, ce qui j'embête avec les mix, c'est qu'à partir d'un moment, j'en ai un peu marre et j'arrête. Mais là, ce qui est sympa, c'est qu'ils rajoutent donc de la musique de la bonne musique du moment, plus des paroles de personnalités connues comme Dujardin, Renaud, Sophie Marceau, etc. Et c'est vraiment sympa à écouter, et ça remémore aussi des films dans lesquels Jean Renaud a joué, par exemple Tais-toi avec Depardieu. Donc je trouve que c'est vraiment sympa comme musique, et ça se laisse vraiment écouter. En tout cas, moi, pour l'instant, j'écoute que ça. Donc je vous invite vraiment à aller écouter ça. Ça s'appelle Bon Entendeur, donc. Ok. Bon bah moi j'ai pas grand chose. Je crois que j'ai passé mon tour parce que en ce moment je regarde Game of Thrones, mais tout le monde connaît, j'ai quelques années de retard en fait moi. Donc voilà mon coup. Saison 2, je commence à faire. Ah oui. Ouais. Donc voilà mon coup de cœur, c'est Game of Thrones, 5 ans après tout le monde. Mais si vous ne l'avez pas encore vu comme moi, n'hésitez pas à y aller. Par contre, soyez plus intelligent que moi et ne lisez pas la page Wikipédia. du coup je me suis spoilé plein de trucs. Mais tant pis. Donc voilà. Mais c'est très bien. Donc voilà, ce premier podcast de Youngtis touche à sa fin. On s'excuse s'il y a eu quelques petites coupures, si on a eu quelques problèmes de son. Enfin, j'ai eu quelques problèmes de son, c'est surtout moi. Donc voilà, et on remercie GG qui était avec nous au début, et voilà. Salut tout le monde. Salut. Salut, salut. Salut. Ouais, comment on prononce ce forum? Ouais. C'est Youngtis, normalement. Moi, je dis Youngtis, mais. Puis on s'en fout, ça pourra faire un running gag, chacun le prononce c'est... comme il veut. Sinon, tu dis le forum, c'est plus simple. Steph, tu vas galérer. J'ai eu trop de problèmes de son. Déjà, à la fin, ils sont même pas rendus compte, je crois. Mais quand ils parlaient de Serena, ça a recoupé. Je suis revenu, j'ai vu qu'ils continuaient à parler. Ah bon, vous avez vu, j'ai réenchaîné. On a rempli, quoi. Ah, j'ai eu trop de problèmes de son. Ma box, elle me saoule, elle a pas arrêté de planter. Donc tu fais ce que tu peux, hein. Mais je me suis excusé à la fin. Voilà. Ouais, j'ai entendu. Et entre moi, GG et tout, le gros bordel. Ah, bon bah écoute, je vais m'éclater. Hein. Ah bah voilà, comme jamais. tu vas entendre Mathieu parler en martien, comme ça, c'est spécial. c'est sympa. Le premier podcast. C'est toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, je crois, donc ça va vite. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Non, ça dure 30 secondes, mais tous les quarts d'heure. Ouais. C'est okay. Passionnant. Donc voilà.